Thank you. 14 juillet. de jouer les obligés mes 15 ans. Faut qu'on t'arrête parce que je te fous toi. Faut tes obsédés mes 10 ans. Sont 10 ans, t'es dans la farine, dans la carme et vend des armes. J'ai quand les stars et rentrer tard, mettre en bagarre. Sont 10 ans, depuis que t'as 10 ans, tu fumes en 10 ans. Laisse-moi vivre, on t'es partisans, souris, tu m'en espèce de pigeon. Espèce de pigeon, t'as cru que soit gâté, c'est comme un rat que t'es fait. Ha ha ha, télé. J'aime pas l'hypocrisie, c'est pour ça que j'ai pas de télé. SOS Wack, mais c'est Nawax, Félé. Un jour, Pélé m'a dit, t'es tout le temps triste. C'est pas que je suis triste, Pélo, jusque la vie me brise trop. Et je trise trop. Regarde ce que tu fais quand tu tises trop. Tu bises mal quand tu pisses et tu veux retourner le bistrot. Moi, je me fais discret. Travaille ma diction, toi t'es discrédité, districté par l'aliénation. J'ai mes convictions sur la démocratie et des solutions de réduction de la démographie. C'est faux. Je dis ce que je veux, c'est mon texte. Des mots hors contexte, t'as mieux. Et à l'emporte-pièce, je suis dans ma tête, donc je fais ce que je veux. Ce qui passe dans ma tête, entre un plein de wagons, des paysages, des lagons, des trucs à dire en jargon. Y'a un espace, c'est quelques citations d'Aragon. Des messes basses, c'est plus le volume d'un dragon. Piou, je te chie dessus. Piou, je rime sur cette démocratie. Pour la raison du peuple n'existe plus, c'est trop facile de dire que le peuple ne décide plus. Je veux le pouvoir, pas le donner. Voter ne m'excite plus. C'est dans lui, non seulement moi j'y crois, mais certains sages le disent. des sous-mains à l'appel à chaque jour passé aussi. Que tu te fais d'aide pour chaque million brassé. Mais perdre espoir, c'est facile comme regarder les impôts. Avec du pouvoir d'esquiver les impôts. Pour moi, kicker des impros. Passe à 60 je te dis, c'est déjà un trop. Mais ça, c'est plus que l'outro. C'est plus que l'outro. Mm-hmm.